pour être enterré comme des chiens. Pour vos cercueils, moi petit Fanny, après on vous emmerde plus, c'est promis. Cercueil, un petit crédit, après on vous emmerde plus, c'est promis.